Grâce à la politique populaire et au bienfait du Parti du Travail de Corée et de l'État, le nombre des centenaires s'accroît en Corée. Le maréchal Kim Jong-un a fait fêter le 100e anniversaire de Madame Kwak Byung-ho, habitante de la commune de Sokpong de l'arrondissement de Soson de la ville de Pyongyang.